Saint-Esprit, nous avons besoin de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de Jésus. Révèle Jésus au milieu de nous. Révèle Jésus dans nos cœurs. Révèle Jésus dans nos pensées. Révèle Jésus dans nos paroles. Oh, laisse que nous puissions lui ressembler. Oh, Saint-Esprit, viens au milieu de nous, Seigneur. Viens au milieu de nous, Seigneur. Viens agir au milieu de nous, Seigneur. Viens te manifester au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Saisis-nous, Seigneur. Seigneur, Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour notre Dieu? Alléluia! Est-ce que rapidement, pendant quelques minutes, tu peux saluer le voisin qui est juste à côté de toi? Dis-lui bienvenue dans la présence de notre Dieu. Dis-lui bienvenue dans la présence de notre Dieu qui est responsable. Bienvenue dans la présence de notre Dieu qui est amour. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et bien aimé, nous voulons maintenant louer notre Dieu. Nous voulons danser, célébrer ce qu'il est. Vous savez, bien-aimés, chaque fois que Dieu fait quelque chose de grand dans notre vie, chaque fois qu'il fait quelque chose qui étonne ceux qui sont autour de nous, c'est parce que Dieu attend quelque chose venant de nous. Il attend que nous puissions le louer, l'adorer. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous voulons louer le Seigneur avec la chorale. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour célébrer celui qui est assis? Alléluia. Amen. Yes, soit salué. Amen. Eh Yahweh, Kumama. Eh Yahweh, Kumama Yahweh. Yahweh, Kumama, Yahweh, Kumama, Yahweh. Yoli kakinga, utabo mwana, kino lelo yona koma mosali na yotaka. Yahweh, Yahweh, Kumama, Yahweh. Bazalaka babola bakoma na bozie, bazalaka baombe bakoma bazobe ayo. Yolinga kika, utabo mwana, kino lelo yona koma moye mina yo papa. Yahweh, Yahweh, umama Yahweh zaminata. Yahweh, Yahweh, Yahweh, Yahweh, zamene loka yo, papa na lola yo. Yahweh. Alléluia. Ce qui peut sortir de meilleur dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions avoir une attitude qui élève notre Dieu. La Bible dit que c'est un Dieu qui est assis sur le trône. Il a un trône parce qu'il y a ceux qui se prosternent devant lui afin de reconnaître qui il est. Mais bien aimé, voilà pourquoi j'aimerais que tu prennes une attitude qui adore Dieu. Avec conscience que le Dieu que tu es en train d'adorer est assis sur un trône. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, on dit que son trône est un trône très élevé. Et bien aimé, est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur? Bien-aimés, nous sommes dans des moments de prière et j'aimerais, avant d'écouter la parole de ce soir, que nous puissions aller à genoux pour adorer le Seigneur et la chorale peut chanter, nous accompagner dans cette adoration pendant quelques moments. Nous sommes en train de chercher le Seigneur. Élève ta voix, commence à dire: Seigneur, tu es tout pour moi, je viens t'adorer, je m'agenouille devant toi, Seigneur, je m'agenouille. Yeah. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Tiens-toi debout, lève ta main. On nous met Éphésiens chapitre 1, verset 7. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Nous voulons prier. Nous pouvons dire ensemble, en lui, on peut répéter ensemble, en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Élève ta voix, prie le Seigneur. Tu as la rédemption par le sang de Jésus. Et la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Dis par la puissance du sang, c'est la rédemption. La rédemption. La rédemption. Et la rémission du péché selon la richesse de sa grâce. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Pour le sang qui a coulé à la croix. En prière, Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14. Colossiens 1, 13 à 14. Aujourd'hui, vu l'abondance, je vais essayer de travailler en français. Ceux qui ne comprennent pas, peut-être vous m'arrêter ou poser la question au voisin pour qu'on puisse terminer vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. Colossiens chapitre 1, versets 13 à 14, disons ensemble, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On peut répéter, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. En qui nous avons la rédemption. La rémission des péchés. Dis à Dieu, tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Commence à les déclarer. Une déclaration. Tu es délivré de la puissance des ténèbres. Délivré de la puissance des ténèbres. Et transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Tu n'es pas sur la terre. Tu es transporté. Tu es un homme transporté dans le royaume du Fils de Dieu. Oh, merci Seigneur. Père, merci. Parce que tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour. C'est pourquoi nous te disons merci et nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous aurons assez de moments pour prier, beaucoup de prières et de déclarations. Je vais essayer de parler seulement en français. Je vais combiner. S'il y a un mot difficile, je vais le dire en swahili. Alors, celui qui ne comprend pas, se met à côté de quelqu'un. Merci, maman Miki. Mettez maman Béa au milieu, là. Comme ça, vous expliquez bien. J'espère que nous t'assez ma français facile pour que nous puissions nous comprendre. Parce que c'est des choses très importantes. Si nous travaillons avec l'interprète, on va perdre le temps. Et je ne saurais pas terminer. Or, je veux qu'on termine parce que demain, c'est aussi très important. Alléluia. 3 jours de prière, 3 jours de djangwa. Et nous aurons assez de temps pour prier aujourd'hui. Nous voulons ensemble, selon ce que le Seigneur nous a mis à cœur, de comprendre les mystères des autels et de bâtir des autels de Dieu dans notre vie, à la place où il y avait d'autres autels. Et ça, c'est toujours dans notre thème de l'année, quand on a lu le livre de Juges, l'histoire de Gédéon. Alors, en introduction, j'aimerais donner quelques versets. Je prends un seul. J'ai prévu deux, je prends un seul. Genèse chapitre 28, verset 18. La technique, merci d'être speed avec moi pour gagner le temps. Mettez à la technique quelqu'un qui est prompt. Genèse chapitre 28, verset 18. Oui, vous pouvez lire à côté. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Alléluia. Jacob a bâti un autel. Pendant qu'il fouillait son frère, qu'il allait se cacher chez son oncle, pas avec l'objectif d'avoir une femme, mais l'objectif de fuir d'abord Ésaü. Quand il fut à Luz, il dort et il voit une échelle. Il se réveille. Il dit, ici, c'est la maison de Dieu. Et il prend une pierre qu'il dresse comme monument. Il prend de l'huile. Il verse sur l'autel, sur la pierre. Il bâtit un autel. Le rôle de l'autel, comme on a dit hier, c'est une connexion, c'est un lieu de connexion entre le divin, un dieu quelconque, et l'humain, un homme. Si j'étais informaticien, j'allais dire que c'est une plateforme de contact entre Dieu et l'homme. Donc, il y a la partie physique, c'est la pierre. Il y a la partie spirituelle qu'on ne voit pas. Mais ça permet de lier deux êtres. Je reprends. Ça permet de lier deux êtres. Arrivé chez Laban, quand Jacob a eu des problèmes, jusque-là, il construit l'autel, il part. Il a Léa, et puis Rachel, et puis continue à travailler. Et puis à un moment donné, il dit non, je dois rentrer. Parce que j'ai des problèmes là où je vis. J'ai des problèmes là où je travaille. Jacob décide de rentrer. Sur le chemin de retour, écoutez ce que Dieu lui dit. Genèse 31, verset 13. Écoutez ce que Dieu lui dit. Je suis le Dieu de Bethel. Dieu lui rappelle l'autel qu'il avait bâti. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument. Ah bon? Où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Quand il y a des problèmes, Dieu montre à Jacob qu'il n'a pas oublié la connexion qui a eu lieu à Bethel. Parce que quand Jacob a mis la pierre, il a parlé, il a versé de l'huile. Si tu me gardes là où je pars, je rentre et je reviens, je bâtirai un hôtel ici. Ce lieu sera un lieu d'adoration. Et quand il a des problèmes, Dieu lui dit, tu as peut-être oublié, je suis ce Dieu-là. Oh, j'aimerais pendant les 3 jours que Dieu dise à quelqu'un, je suis le Dieu pour qui tu as bâti l'autel. Ce jour-là, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Hier, j'ai dit ceci. Daniel avait besoin de 21 jours pour voir la réponse de Dieu. Mais Esther n'a eu besoin que de 3 jours. Et Dieu a agi. Ma prière aujourd'hui est qu'après les 3 jours, que notre Dieu, que mon Dieu agisse dans ta vie. Alléluia. L'autel a commencé un peu plus tôt. Les premières personnes qui ont bâti les autels, Noé, c'est la première personne. Abraham, Genèse 12, 7, c'est la deuxième personne. Isaac, Genèse 26, 24, c'est la troisième personne. Mais aujourd'hui, nous avons un autel plus excellent que Dieu lui-même a bâti par le sacrifice de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Sur les autels, il y a des choses qui se passent. Il y a des réclamations qui se passent. C'est comme ça que quand tu bâtis un autel, tu sors de ce conflit. Tu laisses ça à Dieu. Et aujourd'hui, il y a certaines choses dont on va parler. Ma prière est que vraiment, que ça t'aide et que ça change. Il y a des choses qu'on obtient par la grâce. La vie. Kulala na kulamuka, comme on dit. Oui, c'est vrai. Ça, c'est pour tout le monde. Mais il y a des choses qu'on obtient par la foi. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Il y a un moyen. Mettez ça même comme un moyen de transport. La grâce est là. Mais ce qui va te transporter pour avoir cette grâce, c'est la foi. Et c'est comme ça que vous verrez dans les églises, dans la famille, tout le monde, nous venons à l'église. Mais la foi fait la différence. Et pendant que je parle, bien-aimé, exerce ta foi. Que la foi fasse la différence. Refuse d'être un chrétien comme toutes les années. 2025 est à la moitié de son chemin. Nous avons prié pendant beaucoup de temps. Nous avons cherché Dieu beaucoup de temps. Il y a deux moments dans la vie où tu dis assez, je refuse et les choses doivent changer. Alléluia. Hier, nous avons parlé du premier autel qui arrête la mort. La mort, c'est le plus grand ennemi. Nous avons compris que dans la vie, tu dois bâtir l'autel. Mais être enfant de Dieu ne suffit pas pour dire non, je suis enfant de Dieu, je vais recevoir tout, tout, tout. Jésus a dit à ses apôtres, avant de partir, je vous donne le pouvoir, marcher sur les serpents, sur les scorpions. Après avoir cru, après avoir reçu le Seigneur, ce soir, je me réparais d'un deuxième autel qui est un peu, il y a beaucoup de choses. Je vais essayer de me résumer. J'essaie de parler lentement. Celui qui ne comprend pas, il lève sa main. Si je suis rapide, ce n'est pas grave. Tu lèves seulement ta main. Tu fais seulement comme ça. Je vais comprendre que je dois diminuer et pour qu'on avance ensemble. Je suis dans Genèse, chapitre 8. Tant que je mets d'abord. Genèse chapitre 8. Commençons à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Et Noé sortit avec ses fils, avec sa femme et les femmes de ses fils. Il sortit de l'arche. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meurent sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Verset 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. C'est la première fois. Où est-ce qu'il a eu la pensée de bâtir l'autel? Et qui lui a dit? Non, personne. Il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Vous pouvez souligner les bêtes pures. Et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Waouh! Oh, ça c'est bon. L'odeur est montée. Et dans Apocalypse, ce parfum, cette odeur, c'est le symbole de la prière des saints. Lui qui a donné des animaux purs sur l'autel. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. L'autel de Noé, le premier autel, le premier autel a fait que Dieu a arrêté la malédiction. Et aujourd'hui, nous voulons prier, comprendre comment la malédiction agit et arrêter la malédiction. Pourquoi Noé a fait ça? Le premier, personne ne lui avait dit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 7, on trouve l'explication. La Bible dit que c'est par la foi. C'est par la foi que Noé divinement averti. Il a construit l'arche. C'était la première chose. Mais il est devenu héritier de la justice. La justice qui ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. Écoutez, qu'est-ce qui se passe du temps de Noé? Quand nous rentrons au chapitre 6, l'homme est mauvais. Le cœur est tourné vers le mal. Le chapitre 6, on parle de la corruption du genre humain. Bantoumana la bika paduni. Bibaya bina pita paduni. Il essaie d'avertir les gens. Personne n'accepte. Dieu prend la décision de détruire la terre. Avant Noé, l'homme n'a jamais vu la pluie. Jamais. La rosée, chaque matin, était là et les choses croissaient. Noé explique aux hommes, non, c'est faux tout ce que tu dis. Noé commence à construire l'arche. Ce n'était pas en cachette. Bien-aimé, continue à servir Dieu. Ce n'est pas en cachette. Ton voisin se moque de toi. Ton frère se moque de toi. Ta famille se moque de toi. Ce n'est pas grave. Continue à servir Dieu. Il y a un jour, ils réaliseront que tu as un vrai Dieu. Alléluia. Continue à servir Dieu. On a pris Noé pour un fou. Il va, il coupe un arbre. Il l'écorce bien. Il l'émonde bien. En attendant là, en affaire monnaie au menuiserie, en la catanassie. Il arrange très bien le bois. Les 7, 7, les 5, 5, je ne sais pas, les 11, combien, il arrange très bien les bois de gopher. On n'a pas le temps d'expliquer pourquoi le bois de gopher. Il arrange très bien, il fait l'arche. Il termine l'arche. Il construit l'arche sur la terre. Oh, j'aime Dieu. Il n'a pas mené l'arche à la rivière. Il construisait sur la terre. Tu construis ta vie là où tu construis, selon la parole que Dieu te donne. Mais il arrivera un temps, là où tu as bâti, là où tu construis, Dieu lui-même s'organisera pour faire des choses. La pluie a commencé, le déluge, pendant 150 jours. 150 jours. 5 mois de pluie sur la terre. 5 mois, jour pour jour. 5 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, voula inapika. Tout dans l'eau. La terre détruite. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que quand Noé quitte l'arche, comme on a vu par la foi, il bâtit un autel. Par la foi, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu-là? Pour que ces choses n'arrivent plus. Pour que ces choses n'arrivent plus. Noé bâtit l'autel. Il prend des animaux et des oiseaux purs. Quand tu es en train de bâtir l'autel, il y a un sacrifice à faire. Prends des choses pures. Il va poser sur l'autel. Et Dieu a senti une odeur agréable. Et il a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Je m'arrête là. Noé ne savait pas la valeur de ce qu'il faisait. Dieu comprend bien la valeur de l'autel que tu vas bâtir ou que tu bâtis dans ta vie. Plus que même nous-mêmes. C'est Dieu qui a dit. Moi, la réaction de Dieu m'intéresse. Noé bâtit l'autel et puis Dieu vient, il dit, oh, je ne maudirai plus. C'est fini avec la malédiction. À cause de l'homme. Ah bon? Donc, il y a des choses qui causent les malédictions dans la vie. Il y a des choses qui causent les malédictions. Et je vais expliquer c'est quoi une malédiction. Je n'ai pas regardé dans le dictionnaire. J'essaie de comprendre et d'expliquer. Une malédiction, c'est un schéma négatif dans la vie de quelqu'un. Une malédiction, c'est une répétition des malheurs de génération en génération. Une répétition de certaines difficultés de génération en génération. Donc, il y a des gens, enfants de Dieu, mais qui sont sous des schémas négatifs. La vie est spirituelle, la malédiction est spirituelle, mais la plateforme est physique. Tout se joue autour de l'homme. À cause de l'homme, Dieu a maudit la terre. Oh, ça c'est terrible. L'homme fait du mal. Dieu maudit la terre. Le déluge s'ouvre du ciel. Se déverse sur la terre. Ça signifie que l'homme s'est retrouvé sur une terre maudite. Il y a des gens, malgré eux, qui se retrouvent dans des maisons maudites. Tu n'es peut-être pas le premier à occuper cette maison-là. Avant toi, il y a des gens qui ont occupé la maison, qui ont bâti certains hôtels, qui ne sont pas les hôtels de Dieu. Tu n'es pas le premier occupant de la ville de Likasi. Avant nous, il y a des gens qui ont occupé cette ville, qui ont bâti des hôtels. Chaque ville a ses caractéristiques par rapport aux gens qui ont occupé les villes. Et vous allez voir, les habitudes sont différentes. Les habitudes de Likasi sont différentes des habitudes des gens de Kinshasa, qui sont autour des eaux et qui ont leurs problèmes à cause des eaux qui sont à côté d'eux. Chaque ville a ses problèmes en fonction des hôtels. Parfois, vous mettez une église à un endroit à problème. par quoi vous vivez parfois dans une maison à problème. On a tout quand on a eu Kwenu, au Kwenu Mambo Nengia Mubukweri, Munenda Kuripia Nyumba, Jopa Mambo. Ça ne marche pas. La terre était maudite. Un auteur chrétien, il parle de 7 signes d'une malédiction familiale. Je vais les donner. Je ne vais pas beaucoup les commenter. Une malédiction familiale présente des signes. Et j'aimerais donner 7 signes d'une malédiction familiale pour que nous puissions avancer. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le Seigneur? Si je suis rapide, il faut me faire ça pour que, voilà. Parce que j'aimerais que tout le monde comprenne. Je n'ai pas pris d'interprète pour que j'ai le temps de terminer et d'expliquer. Donc, comme on est rapide, on a un peu de soukéko. Comment on a mis la couture, mais c'est mes français facile. Aidez-moi toujours. Parfois, on oublie. Ici, le français doit être simple. Simple. Ma signe 7. Il nous n'est qu'en malédiction. Il y a famille. Il y a kizazi. Signe numéro 1. Deutéronome 28, 28. Ici, nous serons vraiment dans le livre de Deutéronome. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Non, laisse-moi ce verset-là. Délire, en français simple, n'imagine-moi, je pense que c'est ça. C'est la folie. La folie, elle n'a pas qu'à couler comme ma poubelle. C'est quelqu'un qui devient insensé. Non seulement ça, na ma majimu nyengine majimu majimu tout, folie. C'est des malédictions. Dans le premier signe de la malédiction dans une famille, c'est l'instabilité émotionnelle. Waouh! Comment je vais traduire ça en français? Simple. Instabilité émotionnelle. Moussaïli, c'est comment? Qui va m'aider? Désordre. Hein? Instabilité émotionnelle. Hein? Est-ce qu'il y a un désordre émotionnel? C'est la peur. Les esprits de quelqu'un, comme on dit, ils n'ont pas l'esprit en place. Il y a des familles comme ça, les gens n'ont pas l'esprit en place. Ils sont instables. Ils ne sont pas stables. Tous à tout. Émotionnellement, sentimentalement, spirituellement, ils sont instables. C'est une forme de malédiction. Et pendant que nous parlons, examine ta famille. Ça, c'est le premier signe. Deux, Deuxième signe, Deutéronome 28, 21. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Deuxième signe. J'ai cherché la traduction du mot récurrent dans ma tête qui a tardé de venir. Récurrent, c'est Yakurudia, voilà. Donc, il y a des maladies familiales héréditaires. Observez bien, ma famille. Il est ma malaria héréditaire. Kambo alikuwa ile malaria. Muzima wala nakufa. Baba na ile malaria. Muzima wala likufa. Muyomba na ile malaria. Même si ça t'a pas encore atteint aujourd'hui là, nous devons prier. Ça c'est la famille paternelle. La famille maternelle la même chose. Kambo, belle-mère, belle-sœur, unangarisisha, kukuma malari moya, héréditaire. Tu dis non, non. Et c'est vrai. Vous savez, pour naître, il faut un croisement de deux choses. Une semence de l'homme, une semence de la femme. J'ouvre une parenthèse. Moutou est constitué de, si je me trompe, vous me corrigez, ceux qui sont là, de 46 chromosomes. Monsieur chromosome ou Swahili, ok. Prenez ça, chromosome. 23, il y a Mwanaume. 23, il y a Mwanamuke. Ça fait 46. Il est ma chromosome. Maman, bien, chromosome en Swahili, c'est quoi? Ok. Il est ma chromosome. Ni ikomudamu. Jo, il est qu'on a l'état information yote abumuntu. C'est-à-dire que quand on a kuzala, on a fanana na bakuba mama yako. Quand on a kuzala, on a fanana. Basima, uyu, ni muyomba yake tu. Uyu, ni sangaji yake. Je me rappelle, j'avais un cousin qui est décédé. On habitait ensemble. Mon oncle sort, il dit en langue, il dit, mon Dieu, je ne sais pas ce que j'ai fait. Celui-ci, c'est vraiment le nom, c'était le nom du grand frère de son épouse. Il dit, c'est vraiment son oncle. Nadina, Namifano, Nabulevi. Donc, il déduit que il y a eu transmission. On a donné le nom à tout prix. Je ne sais pas si vous n'avez pas encore vu. Ah, paix à son âme, mon frère. Donc, si vous observez des maladies familiales héréditaires, ah, aujourd'hui, il faut prier. Il faut bâtir un hôtel pour les arrêter. C'est des malédictions. Une des racines de malédiction, c'est un phénomène cyclique. Yakurudia. Donc, après autant d'années, Inarudia. Après autant d'années, Inarudia. Il y a ce phénomène-là, Yakurudiriamo. Oh, comme quoi, ma malari. Il ne peut pas Narudia Kwenu Munyumba. Apana. Léo, il faut ici m'amuser. Troisième signe de malédiction dans les familles, c'est la stérilité, l'impuissance chez les hommes et des problèmes féminins. Stérilité, impuissance chez les hommes, problèmes féminins. J'espère qu'à la technique, on est en train de mettre tous ces points parce qu'après, il faut les projeter. Deutéronome 18 et 28, 18. Verset 18. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Waouh! C'est quoi ça, cette histoire? Le fruit de tes entrailles. Tes entrailles, c'est quoi? Tes entrailles, nintumbo. Tumbo. J'essaie ici de regarder le dictionnaire biblique ou le lexique. On parle de beten, et on traduit ça même par utérus. La traduction. Donc il y a des gens, on a maudit l'utérus. On a maudit le ventre. Les ventres sont maudits. Et ce qui sort est maudit. L'impuissance chez les hommes. Des problèmes féminins de tout genre. Oh, il faut prier. Je ne sais pas entrer dans des commentaires, mais voilà, j'explique. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez même m'arrêter. On était sur le campus. On priait. Mais j'avais une cousine, elle est pour moi à Kinshasa, quand son mari est cour de cassation, cour constitutionnelle, quelque chose comme ça, elle est déjà devenue professeur. À un moment donné, je ne savais pas. Les familles étaient très proches. C'est vraiment une grande sœur pour moi. Mais il y avait des moments, et qu'on parle d'affaires au Kataro. Mais alors, les autres ne me disaient pas. Mais à un moment donné, on était en prière. Et puis à un moment donné, je vois que non. Il dit, mais Désiré, aujourd'hui là, il faut que tu pries pour tel. Alors, on a commencé à prier. Finalement, je l'arrête, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'explique que dans leur famille, toutes les filles, excusez les termes, c'est des dysménorrhées. C'est très douloureux pendant la période menstruelle. Donc, comme on a fait 4 jours, 7 jours, pas comme on a perfusé. Sinon, c'est terrible. Alors moi, je lui dis, Louise, comment tu peux vivre avec ça? Tu as cru au Seigneur. Et il désirait, c'est comme ça chez nous. Je dis non. Aujourd'hui, là, nous devons prier. Nous tous, tels que nous sommes là, il n'y a pas d'éveillé. Un seul sujet de prière, on doit prier pour elle. Ça doit s'arrêter. Et pendant qu'on lui parle, elle est sous perfusion. On a prié. On a même oublié. Elle aussi a oublié. Longtemps après, non, maintenant je vis normalement. Donc vous comprenez, il y a certains problèmes de famille. Vous acceptez, ça vous colle et vous commencez à vivre avec ça. Donc, stérilité, impuissance, des problèmes féminins, bien-aimés, c'est des signes. Tu n'as pas de combat. Il est bintou, bien goût. Quatrième signe. Waouh. Deutéronome 28, 30, Deutéronome 28, 32, Deutéronome 28, 41. On peut peut-être prendre juste un seul verset. Je donne le quatrième signe. Les ruptures familiales et les divorces. Observez nos familles et nos biens. Les divorces, les ruptures familiales. J'ai donné trois versets. Tu planteras une vie, tu n'en jouiras pas. Tu auras une fiancée, une autre chose avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. 32, ça c'est 41, ça c'est 30. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux et ta main sera sans force. 41. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Bien-aimés, les ruptures et les divorces. Je donne quelques chiffres, je ne veux pas faire beaucoup de commentaires. Ça, j'ai lu. 1,2 million d'enfants naissent sans père. 1,2 million d'enfants. Enfin, ça, c'est ce qu'on a écrit, ça signifie seulement. Ni ba mama, banabatia mimba, c'est ça. Parce qu'on dit naître sans père, ce n'est pas que banatoka kwa mungu, non, non. Ni ba mama, banabatia mimba, banabatia mimba, banabatia mimba, banabatia mimba, 1,2 million. 1,8 million d'enfants grandissent sans père. Waouh! J'ai lu ces chiffres aujourd'hui, j'ai dit non, il y a un problème. Donc, il y a des enfants qui grandissent sans père à cause des ruptures familiales et des divorces. Près de 2 millions d'enfants. Mais on a commis un passé pour Baba. Donc, maman, toi, on a commis ça pour d'autres. Près de 2 millions. Ça, c'est des chiffres, des statistiques. Il est bari bamba. Or, il y a beaucoup bambi. Soit tu m'as dit, est-ce que vous allez dans mon colomoni, est-ce que vous allez dans mon canona pour faire tout ça? Donc, c'est des chiffres au minimum. 75% des toxicomanes viennent des familles monoparentales. Ni traduire mon swahili. Toxicomane, c'est. Bale banaji drogaka. Donc 75%, il y a bale banaji drogaka. Banatoka ma famille, il y a parents moya. Soit baba boule, soit maman boule. C'est comme ça, dans ta famille monoparentale. Donc il n'y a pas les deux parents, un seul parent. Donc 75%, il y a ba drogué, ba jamba. C'est Djamba, Riamba. Riamba, Djamba. Bantoka, ma famille, ma maman moya, bien baba moya. Donc vous voyez ce que ça cause comme dégâts. Gars. 70% des grossesses chez les adolescentes, 70% viennent de familles monoparentales. Non, ça me fait la chair aux poules. Qui s'est ou divorcé? Eh! Mon gars, tout ça, il dit, Seigneur, je lève ma main. Mina katala mpe pour un divorce. Atel toka mukizazi, mukanisa, katika djina la Yesu. Il faut refuser ça. 70% des grossesses chez les adolescentes viennent des familles mono parental. Monoparental, c'est-à-dire ya muzazi moya, soit baba, soit maman. Donc, quatrième signe, les ruptures familiales et les divorces. Cinquième signe, il est pauvreté, ya mubaya et incapacité à produire. C'est aussi un signe de malédiction. Deutéronome 28, 29, je passe, vous allez lire à la maison, on gagne le temps. Sixième signe. Kubantu bengine, aucune ambition, maïsha yake, minangu pa kaivi. Anamuka busubuyi, ankura bukari, ancheza dam. Ancheza carte. Eh, mondele. Vous avez déjà vu ces cartes-là? Moucha konele ma carte. Donc, ancheza carte, varapata makuta, c'est un mauvais, c'est un signe. Yakusema, observez très bien. Vraiment, c'est ma carte à ville. Un problème. Deutéronome 28, 29. Donc, aucune ambition, aucune vision, aucune direction. Septième signe, la servitude et l'esclavage. Deutéronome 28, 43, 44. Voilà, ça, c'est des signes. Je voulais quand même donner les sept signes pour que vous puissiez savoir. Rentrons dans Genèse chapitre 8 qu'on a lu. Dieu trouve qu'il y avait une cause pour qu'il maudisse la terre. Gédéon bâtit l'autel. Quand le parfum monte, Dieu dit non, non, non, non, non. Je ne bâtirai plus l'autel. Je me donne un signe, moi, Dieu. Parce que je sais que le cœur de l'homme est mauvais. Ah, mais il y a un problème. Mais Dieu a détruit tous les mauvais. Dans l'arche, il n'y a que 8 personnes qui sont montées. Baba ya beauté. Barikoufa Moumaï. Donc la malédiction ouvre les déluges de mauvaises choses. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut comprendre si. Comme on a pu tout bibaye, puis qu'on a roudi à mon maïs, puis qu'on a dit répéter. Arrête-toi. Les choses récurrentes, bien qu'on dit répéter. Arrête-toi. Il y a une solution. Il y a une solution. Les maladies héréditaires, la stérilité, les divorces, il y a une solution. Et c'est ce que Dieu veut avec l'Église. Nous voulons avancer. Il y a une solution. Bien aimé, quand Dieu donne des messages comme ça, ça signifie que Koumachi Koumbele, on est quoi tenté, poussé par l'esprit. On va se dire, hé, 75% il y a pas toxicomane, ni ma famille, il y a pas divorcé. 70% il y a ma mimba, ni ma famille va divorcer. Pardon. Mungu. Jutu ya kuchunga, ababa toto yangu. Parfois on prend des décisions, pas pour toi, pour les autres. Pour les autres. Tu dis non, non. Ça. J'arrête. C'est un signe de malédiction. Donc les enfants qui naissent, il y a une cause. Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Que faire? Ça, on a parlé. Malédiction, on a expliqué. C'est quoi la malédiction? C'est un schéma négatif. C'est une succession de malheurs. C'est une répétition de malheurs. C'est une récurrence des choses mauvaises. Biabibaye, qu'on a redit après période Fulani Binakuya. Koukou Mamalari, moi, qu'on a redit à ma famille. kuma bintu bimwa biko na kurudia mukanisa eh mu maisha ya fulani mu maisha yako unaangalia mu famili yenu malari fulani iruaka nkambo malari fulani inaua nkambulula inaua muyomba inaua baba arikufanyia bana mukataka mukulu uwe arikufanyia ne bana mukataka mukulu uwe bana mukataka mukulu ah frère qu'est-ce qui se passe dans mon famille et tout ba bote banaume bote pakufwa il fallait bana mukate mukulu hapana Mungu mimi naanza kuomba mikulu yangu baje ni nini autujue malaria okay hakuna problem Mungu ile malaria iranza kufanya kibanza kukata bale banaume mikulu mimi naikata Il y a aussi des familles à Bazali. Je dois prier. Je connais aussi une famille. Nous avons un peu comme Moya. Ou là, comme Toto Moya. Ou là, comme Toto Moya. Ou là, comme Toto Moya. Hé, frère. Tout ce que Dieu t'a donné. Bon, on n'est pas des Chinois. Hein? Je ne dis pas que c'est mauvais. Si tu acceptes, d'accord. Mais sinon, tu vas dire non, non, non, non. Seigneur, je refuse. Je refuse. Le problème, c'est que c'est par la foi. Il faut prendre conscience et prier pour ça. On doit prier. Que faire? C'est la question que je me suis posée. Alors, avec moi, nous avons 4 déclarations prophétiques qui vont constituer nos 4 sujets de prière aujourd'hui. Qui s'adresse à ma question à partir de 15h. Nous sommes là. Les choristes, soyez là. Commencez à chanter, commencez à prier. Maman Gloire, vous conduisez le culte de demain. Nous prions, nous chantons, nous prions. Nous chantons, nous prions. De 15h à 18h30, nous voulons prendre tout le temps en prière. Nous serons là. Mungu ate tout ça, il dit. Alors, on a dit qu'il y a Banduku, Fika, Tuombe, Mungu. Kuko bintu minapacha kwangu kama maisha yako. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. J'aime ça. J'aime ça. J'aimerais d'abord que tu lises toi-même en silence. Et puis je vais lire à haute voix. J'aime ça. Parce que Dieu a toujours une solution. Lis toi-même en silence. Si tu es forte, mémorise ce verset. Comme quand on était des jeunes gens, dès que tu as lu une seule fois, c'est resté dans la tête. Fais ça, fais cet exercice. Hein? Quand on était des enfants, tu lis une seule fois, ça reste dans la tête. Je n'ai pas essayé de répéter 2 fois. Écoutez, la Bible dit ceci. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Oh, ça c'est merveilleux. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Comment c'est? Étant devenu lui-même malédiction pour nous. Ah, Dieu est merveilleux. Comme le problème, Dieu l'a accepté. Il fallait que Dieu lui-même donne la solution. Il était où? Il était là. Vous savez, même dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la solution n'est pas venue d'Adam et Ève, ni du diable. La solution est venue de Dieu. Quelque part, Dieu a dit, bon, moi-même j'étais là. Et puis ils ont péché. Je dois les restaurer. Ah, j'aime le passage que vous avez prêché sur la restauration. Donc, quelque part, Dieu se sent responsable. Et il doit résoudre le problème. À toi de saisir maintenant par la foi. C'est pourquoi, si tu vis sous la malédiction, ce n'est plus l'affaire de Dieu. Parce que Dieu a résolu. Il y a certains problèmes, et ça je vois parmi les enfants de Dieu. Il dit qu'on a honte, Mungu ni saidie, Mungu fanya. Mais non, Dieu a déjà fait sa part. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Au passage, Mungu, on est pas chez Oueso, y a coupé Mbéa par scorpion, c'est quoi? Ngé. Bon, continuons en français, sinon on va se, ça va perdre beaucoup de temps. Que Dieu soit béni. Ok, Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a délivré, nous a racheté. Écoutez, on n'a peut-être pas le temps. Ici, on parle de rachat. C'est-à-dire que nous étions vendus. Il y avait un prix. C'est ça le rachat. Le rachat, c'est quelqu'un en Afrique, dans Banakouji, ça. Bana, on a eu un bitoy pour 10 000 francs. Mais on a quoi? Non, non. Il a eu un pour 10 000 francs. Mais on a fait un kouzabio. Ça, on a fait un jour, il y a eu un écarté. C'est à panne. Mais on a eu 10 000 francs. Je ne sais pas si on a eu 10 000 francs. Qui a eu 10 000 francs, mais on a eu 100 000 francs. Ah, ce n'est pas grave. On a eu 100 000 francs, mais on a eu 500 000 francs. Dieu a quitté. À ce moment-là, il n'a même plus rien. À ce moment-là, non. On est signé, il n'y a pas que Kito Kiako, mina kouza kou 500 000 francs, il est sauvé à Bey, il y a 100 000 francs. C'est ce qui signifie racheter. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Nous étions maudits par la loi. C'est quoi la loi? C'est la coutume. C'est quoi la loi? Ni le masemo, balisema munyumba mule wiko. Ula retokaka mule munyumba anafanya mikulu hivi. Anasema munanifukisha munyumba. Okay. Wote atenya mule munyumba asitazala. Wote atenya mule munyumba bato batapata ma problem. Bantu banakosana banafia mpango mukizazi. Unyanganya mpango ya baba yango. Famine nenda na mikanda. Okay. Wote ule atausaka impango. Toi, tu ne sais rien. Tu viens acheter. Mais tu tombes sous la loi des conflits de famille. Tu n'étais pas là. Mais la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous lui-même. Parce qu'il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Yesu Pakufa, il devait être nécessairement pendu au bois. Il ne pouvait pas mourir noyé. Il ne pouvait pas mourir par une épée. On aurait eu des problèmes aujourd'hui. Il devait mourir sur le bois. Parce que la loi disait, si on pend quelqu'un sur le bois, il est maudit. Tout celui qui était maudit dans la famille devait être pendu sur le bois. Mais Jésus s'est arrangé pour qu'on le mette sur le bois. Parce que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Et la Bible dit, il a été fait malédiction pour nous. Pourquoi cela? Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Quelqu'un a pris notre malédiction. Jésus-Christ. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons bâtir un autel qui va arrêter la malédiction dans notre vie. Par la foi, crois à cela. Et c'est important. Ça permet de vivre dans une autre dimension. Alors, de quatre sujets de prière. quatre sujets de prière. La technique, vous restez toujours avec moi. Et ces versets vont nous aider à prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce que c'est des prières agressives maintenant. Agressives. Moussa Elenini. Yabukombi. Maombi Yamamlaka. Maombi Yamamlaka. Ma prière agressive. Yakukombana. Ok, nous sommes ensemble. J'espère que je me suis fait comprendre. On est ensemble. Ok, notre premier sujet de prière, il s'agit des déclarations prophétiques. Romains chapitre 8, versets 1 à 2. Notre premier sujet de prière. Romains chapitre 8. Versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble ces deux versets? Et puis je vais donner la déclaration. On va prier. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. Car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Lève ta main droite là où tu es. Namusha mukonako droite, tu déclares avec moi. Lève ta main droite, déclare avec moi. Toutes les lois de la mort. Avec force, maintenant nous entrons en guerre. Toutes les lois de la mort, toutes les lois de la mort et des répétitions de mauvaises choses, sur ma vie, dans ma maison, sont annulées au nom de commence à prier maintenant. Commence à prier. Annule toutes les lois. Parce que la Bible dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Toutes les lois de la mort sur ma vie, dans ma maison, sont annulées maintenant. Annule. Annule maintenant. Annule maintenant. Au nom de Jésus, Kati Kati Nalaes, Azakwangusa, Bifo, Azakwangusa, Bitubibaya, Baba Isaya, Kati Kati Nalaes, Kati Kati Nalaes, Angusa, Angusa, Bifo, les lois de la mort, les lois de mauvais sang, dans ma vie, dans ma maison. Ce soir, je les salue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, prie. Angoussa, toutes ces lois de la mort, toutes ces lois de mauvais sort qui se répètent dans ma vie, ce soir, je les salue. Ces lois sont annulées. Annulées. Annulées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, annule. Tu en as le pouvoir. Tu en as le pouvoir. Ce soir. Tu en as le pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Kati Kati Nalaes, il est ma loi à Bible, il est ma loi à Bouba, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il est Bible, il Tu pries bien, j'aimerais que tu montes encore. Deuxième déclaration prophétique. Lève ta main droite. Galates chapitre 3, verset 13. On nous a mis ça avant. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Déclare avec moi. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Encore plus fort. Je suis racheté de toute malédiction. De la famille. Des maladies. Des difficultés. Et de tous les problèmes qui se passent dans ma famille. Dans ma grande famille. Au nom de Jésus. Commence à prier. Toutes les malédictions de la famille, les maladies des familles, les difficultés, des problèmes de la famille, des grandes familles, au nom de Jésus, je suis racheté par le sang de Jésus. Jésus qui te fait malédiction pour que je sois une bénédiction. Aujourd'hui, je suis béni. Je suis la personne d'Abraham. Oh, prie. Il est malédiction à famille. Il est en goussa. Moutine à la S. Il est en goussa. Moutine à la S. Il est malédiction. Il y a qui s'assit. Il est ma malade. Oh mon Kobarikisan. Troisième sujet de prière. Qu'est-ce que vendredi 15 octobre après ma sujet? Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Troisième sujet de prière. Mitakwambia, pourquoi Dieu m'a mis ce verset à cœur? Genèse 3, 17 à 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel il t'avait interdit, tu n'en mangeras point. Regardez très bien. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. Boulongo. Mounalaniwa. Jusqu'à la désobéissance. C'est à force de peine que tu auras la nourriture tous les jours. Coucou, pas qu'on a tes soins sana. Pas qu'on ta tchakoula. Tous les jours de leur vie. Pas un jour. Frère, regarde très bien. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas une semaine. Oui, maïs, saliako. N'écoutez soit pas qu'à. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces. Donc, boulongo, au lieu de kutoshia bintu bizuri, binanguzo kutoshia miba. Les épines. On a fait la cage. Au lieu de cage produire bizuri, cage ya kona kutoshia miba. Ma relation de kutoshia miba. C'est quoi notre déclaration? Jean chapitre 8, verset 36. Jean 8, 36, notre déclaration. Jean 8, 36. La Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia, lève ta main. Déclare avec moi. Par la foi. Par la foi en Jésus-Christ. Je suis affranchi de la malédiction d'Adam et Ève. De la malédiction de la famille. Dans mon travail. Dans mes affaires. Dans tout ce que je fais. Dans mes entreprises. Au nom de. Au nom de. Commence à prier. Commence à prier. Ton sol doit produire. Ton sol doit produire. Mon sol va produire. Mes affaires vont produire. Mon travail va produire. Mes entreprises vont produire. Au nom de Jésus. Mon champ va produire. Il n'y aura pas des épines. Il n'y aura pas de ronces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va produire. Ça va produire. Ça va produire. Alléluia. Quatrième déclaration. Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. La Bible dit, il a effacé, oh, ça gêne. Comme un verset, mon Bible, hein, il faut que je joue. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. À tout moment, wakati, tout à l'heure, on va quelque chose avant, donc de 15h à 16h, 16h30, nous allons revenir sur ce sujet avant de donner l'autel de demain, c'est sur les plaies. On va parler demain sur les plaies. Venez à temps pour qu'on ait du temps. Pour qu'on ait du temps. Venez à temps pour qu'on ait du temps. Ok. Ici, j'aimerais que Kila Muntu aombe ma malari ya famille. Que chacun prie pour certaines maladies de famille. Tu connais ta famille mieux que quiconque. Il y a des familles où c'est le sucre. Frère, sukari nyewe, makuta kusa sukari atugaleke nayo. Mais malaria sukari inibambe tu. Eh. Asina na mambo kabaila, eko na mambo estomac, ro. Toutes les maladies chroniques. Non non. Là le triomphe, la victoire de Jésus à la croix. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oh, mina penda iwakati, kila muntu ataomba, joma ombe omba mu désordre. Ma malari yote ya mukizazi kienu. Banduku, mangaribi ale, usichunge pa katastrofi nafika. Oh non, cancer du sein, cancer de ceci. Non, non, non, non, non, non. Tunakatala mukanisa kujika muntu na mambo ya cancer. Je lève ma main sur l'autel de Dieu. Je refuse dans cette église qu'on puisse enterrer quelqu'un à cause d'un cancer. Lève ta main. Katika tina la Yesu. Il est ma malari yote ya mu famille na ikatala katika tina la Yesu. Commence à prier. Prie maintenant. Prie maintenant. malades. Katala. Katala les malades. Il est malade et qui sasse. Katala. Naï Katala. Au nom de Jésus. Nina Katala. Ma cancer. Na Katala. J'ai vu, on m'a parlé d'une jeune fille à Kinshasa. À ce moment-là, on a un cancer des seins. Ah, pendant. Uriombe, oui, non, mais à Batotoyaku. Kushikuya ta moya a pas tellement un cancer des seins. Il faut prier, bien-aimé. Il faut refuser. C'est maintenant. Pas la Yafika Katala. Ma cancer est à gorge. Cancer, comment il y a pancréas, cancer, il y a rein. Cancer, il y a prostate. Non, Aban. Frère, non, non, avant de terminer, on rentre encore en prière. Maïssa Yaku, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes bien-aimés. Là, même une minute, accorde-moi même une minute. Tu dis, Seigneur, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait. Donc l'acte là, il croyait ça que Baki a suspendu. Mais Mungu a isimi ça, a détruit comme salaba. Il a cloué à la croix. Prie pour toi-même, pour tes enfants. Si tu es là, tu es enfant. Mais ça ne t'épargne pas. Prie pour toi-même. Que ces choses ne t'arrivent pas. Dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Prie, prie, prie, prie. Encore! Mais après, tu sais, c'est une belle musique. Tu sais, maman, il n'y a pas de membre, tu sais, maman. Tu sais, maman, chacun, tu vas prier pour toi-même. Il y a certaines maladies. Frère, ma soeur, non, mieux vaut prier maintenant. L'homme a fait des médicaments préventifs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on avait appelé. Les doses préventives. Donc, on a écouté avant, jusqu'à Fika, il est malade ici. Cette prière est une prière préventive. Alléluia. Alléluia. Mina Sema, pendant que je prépare le message, Mungu Mukanisa, yoyote bana yita cancer. Tous les enfants de cette église, Mungu anifane konem, ata moya, ici moufiki eto. Quel que soit le nom de cancer, il est malade. Donc, cellule, il n'a pas dégénéré mon désordre. Non, non. Apan, lève ta main. C'est mon Munguango. Il est ma malariote. Yakizazi. Nayamubaya. Il a une madawa. Il est en que Mouton n'a quoi Bumbafu. Mangaribi ya leo pamaisha yangu munyumba yangu mukizazi kietu mina ikatala katika jina la Yesu katika jina la Yesu katika jina la Yesu anza kuomba katala katala mina ikatala mukizazi na ikatala Tala, munyumba yangu, na ikatala, pakanisa hii, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus, Mungu ularinita, Mungu ularinita, Mungu orinyokowa, leo, avec ton pouvoir, na ikatala, mbele mumaisha yangu, mumaisha ya kisasi. Ya nyumba na ya kanisa katika jina la Yesu. Oh, alléluia. Alléluia. Refuse cette maladie-là. Refuse ce genre de maladie. Oh, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais te demander de sceller. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande une enveloppe. Tu peux t'asseoir. Si tu n'as pas d'enveloppe, demande une enveloppe. Fais un vœu à Dieu. Fais un vœu. Bien-aimé, c'est quoi? Ce que tu vas faire par rapport à un cancer, par rapport à une maladie compliquée. Il y a des choses, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dis, Seigneur, ça, jamais dans ma vie. Jamais dans ma vie. Si tu as besoin, lève ta main, n'aie pas honte, bien-aimé. Koukou mala ringine, ou autashkana aya. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Nous voulons terminer. Esther, après 3 jours, a repris ta Bible. Béba décision. La grâce est là, mais ce qui sauve, c'est aussi la foi. Prends ton enveloppe. Fais un vœu. Demain aussi, prépare ton vœu. Venez aussi aider mes choristes. Ils ont aussi besoin d'être sauvés. Venez, mais c'est important. Ceux qui veulent. Hein. Oh, bien-aimé. Pendant ce temps, on me met Galates 3:14. Et nous allons le faire dans une attitude de prière. Maman, Gloria, si on peut déjà commencer à préparer un cantique d'adoration. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Mina penda ou seme. J'ai dit en introduction. Jacob ne savait pas. Anabeba ribwe. Anaweka na mwanga mafuta na sema. Mungu kinichunge kule minenda mina rudia. Iribwe niriweka. Itakuwa hotel. Paye kurudia alipata ma problem. Mungu na mutokilea bushiku. Anasema, niko Mungu ule ulifansha hotel kubetel. Ah, Jacob anashutuka. Ne crains pas, rentre. Bien que Laban était fort, Laban a demandé à Jacob, ma main ici est forte, mais ton Dieu m'a dit cette nuit, n'ose pas toucher mon serviteur Jacob. N'ose même pas parler ni en bien ni en mal. Donc, funga tout kinoa. Kumbe yana, ya Jacob. À cause de l'autel. Il y a des choses qu'on ne dira plus sur toi. On verra ça demain. À cause de l'autel. Alors, ferme tes yeux. Dis avec moi, Seigneur Munguango. Kupitia y hôtel. Bénédiction à Abraham. Itimizike pa maisha yangu. Muchina la Yesu. Alors toi-même, cite ce que tu veux que Dieu fasse pour toi pendant ces trois jours. Pendant qu'on nous accompagne dans l'adoration et tu viens déposer ça dans le panier. À donner maintenant pendant qu'on nous chante. Merci Jésus. Oh Baba Santé, que la bénédiction d'Abraham et son accomplissement dans ma vie maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie maintenant. Je prie maintenant. Au nom de Jésus. C'est toi qui nous guéris de nos maladies. C'est toi qui éloignes toutes les mauvaises choses de nos familles. Seigneur, que ce soit la famille restreinte ou élargie. Aujourd'hui, tu nous fais grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton nom soit béni et glorifié. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, Jésus. Donc demain, nous sommes là à partir de 15h. Nous prions et puis nous allons prendre une petite pause pour enchaîner avec le culte du soir. Ok, excusez-moi. Qu'est-ce que tu crois pas à partir de 15h, tu n'as pas à partir de 15h. On a fait comme Kanisa, on a Zakoumba. Les quatre sujets de prière ici, on va les mettre bien au tableau. On a somme, on a Zakoumba. Dieu à famille. Maombi yangu, après les trois jours, que quelque chose se passe dans ta famille. Alléluia. Au pas de Dieu. Et puis, après, tu n'as pas tant, disons, tu n'as pas ça, pour parler d'un troisième, du mystère du troisième autel qui éloigne les plaies de nos familles. David en a cause. Il y a des plaies qui ont commencé à frapper Israël. Maintenant, que Dieu, il est m'appelé Ishoué Kizazi Kiot. Il faut que je m'amuse. Mais oui, que je vous fasse un goût. Ushimamiche m'appelé Bilonda Fulani. Bishoué Kizazi Kiot. Comment vous allez dire que ma fille y a ok. Mais Shimamisha. Donc, que je, tu vas te lever comme la barrière. Mukizazi Kien, ou famille. Et samedi, demain je vais donner le programme. Une journée à visite, il y a Kanisa Mujima. Mita panga, nous on a panga, j'arrange les groupes, Mankunji. Si tu as à cœur quelqu'un qu'on ne voit pas, ou quelqu'un qu'on n'a pas visité, vous venez me voir. De façon, mon programme qu'on a fait, on a tout mon visité. Donc samedi à Soubouy, Kanisa et tout mon jima, tout à quoi mon visite. On est d'accord mon soko, on t'a fait un effort, on t'a fait un soko midi. Vous Soubouy, on a fait un pas chiboté, on a kabola la visite. Kikula, Kitabataba, Lanish, Kamatanda, Ranch. Toyota, SAR, Chitour, UCS, Cadel, Panda Cité, Panda Makomem, Kampompi, je faisais le tour, je pense que j'ai cité, Quartier Mission, voilà. Mina Penda, mon Toyota, mon sous féconde, côté de mon école, Kesh, plutôt, samedi, Kanisa, ils m'ont visité. Donc samedi, c'est un jour de visite. Voilà jean, voilà basket. Tu as visite. Je vois un coach Isami. Et puis attaquer je déjà quoi mon jean, quoi relax. Pas tout à omba, tout à dit lazatin. J'aime ce mot. Tu as quoi omba, que je le vendredi. Donc venons relax, soyons en prière et que Dieu nous fasse grâce. Je bénis tous ceux qui continuent à jeûner, qui ne mangent pas le soir. Ils peuvent lever la main, que Dieu vous bénisse. On va récupérer nos boules samedi. Et voilà, pour le moment, nous faisons quelques efforts. Il reste encore un jour. Dieu va nous fortifier. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants. Merci pour l'Église. Que ta grâce accompagne ton peuple. Je le bénis. Je le recommande entre tes mains.